Asile le plus sûr, émission écoutable sur Canal B sur antenne du 94 MHz, également streamable par le biais du site internet de Canal B et disponible aussi en podcast et téléchargement sur son blog asile35.blogspot.fr. On attaque avec une toute nouveauté de très très belle facture. Il s'agit du trio italien Obo Combo que je découvre avec ce second opus, The Magnetic Sound of Obo Combo Presents Moondog Mask, qui est sorti à la fin de l'année dernière sur le label italien Trova Robato Parade. Les Obo Combo qui sont la rencontre entre la contrebassiste et chanteuse Francesca Baccolini, Rocco Marchi est à la guitare électrique et autres claviers et voix, et Andrea Belfi, rencontrée à de multiples reprises dans cette même émission, officie à la batterie. On le connaît notamment pour ses collaborations aux côtés de David Groups, de Mike Watt et pas mal de disques en solo. Je cite encore un dernier projet pour être complet, le projet BBS que je vous ai passé pas mal à l'automne dernier. Tous les trois, ils pratiquent une genre de musique assez étonnante. Il s'agit d'une retranscription des compositions de monsieur Louis Hardin alias Moondog. Ils font ça depuis 4-5 ans. Ils avaient déjà fait paraître un premier disque de compositions revisitées. Alors c'est des arrangements assez subtils, beaucoup de style drum, de choses un peu biscornues pour reprendre la musique du fameux Viking de la 6e Avenue. Sur ce nouvel album, on y retrouve 5 titres de Moondog, également une cover de Robert Wyatt et 5 compos originales comme celle que je propose pour attaquer l'émission de cette semaine qui s'intitule Desert Boogaloo par Obo Combo. We'll be right back. une séquence de pop de traverse pour démarrer l'émission de cette semaine qui a attaqué avec un titre un peu arabesque. Il s'agissait de Obo Combo et un bout de leur tout nouvel opus Moondog Mask, donc un trio italien qui revisite de manière assez astucieuse et avec des arrangements fort intéressants la musique de Louis Hardin alias Moondog. Et c'était enchaîné avec le retour de Félix Koubine qui cette fois-ci s'est entouré d'un grand orchestre, les Mitch & Mitch, qui est un honnête polonais, orchestre pour le moins délirant, qui s'est spécialisé depuis le début des années 2000 dans les réarrangements saugrenus de bandes son de films polonais et tchèques et autres librairies musicales à la BBC Radiophonic Workshop qu'il joue entièrement live. Et donc la rencontre avec le bidouilleur électro-sonique de Hambourg, Félix Koubine, ne pouvait que se produire. Et donc c'est chose faite avec ce mini-album sous le titre de Bacterian and Batterian, sorti conjointement chez Gagarine, le label de Monsieur Koubine, et un label de Varsovie, Lado ABC. C'est sorti en CD et en vinyle. Cette sortie a d'ailleurs donné lieu à une assez grosse tournée d'une vingtaine de dates où donc Félix Koubine était rejoint par ses musiciens qui se prénomment tous Mitch, donc le groupe Mitch and Mitch. On continue avec cette fois-ci des Britanniques. Il s'agit d'un disque qui fait suite aux différentes productions de ces dernières années du combo anglais ex-Easter Island Head. On avait passé notamment le Mallet Guitar 3 qui était sorti chez Low Point à l'automne dernier, et Low Point Récidive avec une version grand orchestre, donc sous le titre Large Electric Ensemble. C'est sorti en vinyle au mois de janvier. Il s'agit d'une réappropriation du répertoire minimaliste, ce que fait depuis quelques années donc ce ex-Easter Island Head. Ils ont déjà sorti 3-4 opus à ce jour. Alors c'est une réappropriation sur mallette guitare, ce qui consiste à jouer de la guitare en open tuning à l'horizontale avec des mayoches. Alors d'habitude donc ils sont plutôt à 3 ou 4, cette fois-ci le groupe s'est élargi à pas moins de 13 guitaristes. Donc on pense évidemment aux compositions de Rhys Chatham et autres Glenn Branca, mais et la musique est nettement plus motorique, mélodique et harmonique, comme on va pouvoir s'en rendre compte avec un extrait donc de ce Large Electric Ensemble et le troisième mouvement. une séquence pour ululer à la lune dans l'Asie le plus sûr qui a attaqué avec le combo britannique Ex-Easter Island Head et cette version Large Electric Ensemble. Ah, il s'agit d'une session qui s'était produite en concert qui devait être plutôt impressionnante à voir ces 13 guitaristes réunis pour traficoter les cordes électriques de manière assez stupéfiante. Le disque est sorti chez Low Point qui documente assez régulièrement la musique de cette formation britannique depuis quelques années et c'est plutôt une bonne idée d'ailleurs, le minimalisme donc à l'anglaise qui était enchaîné avec une autre forme de minimalisme, cette fois-ci des Suisses et le combo Sum of Air et l'album Lights on Water sorti sur le label américain Utech ou Utech Records. Il s'agit du projet du duo Redo Matter de la formation Ural Humbo qui se fait souvent surnommer RM74, qui joue de la basse électrique et d'électronique et différents samples et du piano aussi, en compagnie de sa camarade Julia Valentina Wolf, qui elle triture sa guitare pour des ambiances dark ambiantes et un petit peu drone lugubre et hypnotique sur les bords, mais avec un certain sens des textures et du psychédélisme. Ils sont parfois rejoints d'ailleurs par deux autres Suisses, des membres de Herpes au Deluxe. Donc nouveau disque pour Sum of Air, c'est le troisième album officiel pour une formation qui existe depuis une bonne demi-douzaine d'années. Voilà, on va se réveiller avec une séquence de free jazz et rock réunis et un projet sorti sur le label lyonnais Gaffer Records à l'automne dernier, ou plutôt à l'hiver, en fin d'année dernière. Il s'agit de la formation Predicate, qui est le quartet du britannique Alex Ward, guitariste de son état, qui lui triture sa guitare de manière assez acérée et assez zébrée par rapport aux musiciens qu'on a pu entendre juste avant. Il est rejoint dans ce projet par le saxophoniste assez méconnu Tim Hill et la section rythmique nettement plus habituelle pour jouer aux côtés de Alex Ward et assez fameuse dans le domaine des musiques libres en Grande-Bretagne. J'ai nommé le contrebassiste Dominic Lash et le batteur Mark Sanders. L'album s'intitule Nails, c'est leur second disque en date et je propose d'écouter une courte séquence qui conclut cet album donc de ce projet Predicate du guitariste Alex Ward. We'll be right back. Oh, Une séquence de jazz contemporain qui lorgnait vers le rock et qui partait en joyeuse cacahuète avec trois titres enchaînés. Tout d'abord, le projet britannique Predicate et l'album Nails. Excellent projet de sœur Alex Ward, le guitariste qui commence à se faire un nom dans les musiques libres en Angleterre depuis quelques années. Et c'était enchaîné avec un autre Alex, il s'agit de Alex Weiss qui lui est new-yorkais, et un disque avec lequel je le découvre. Il est saxophoniste, ténor et baryton, et dans ce projet il a convoqué pas mal de gens assez intéressants tels que le guitariste Eyal Mahoz qu'on entend beaucoup sur ce disque Fighter Planes and Praying Mantis, qui est sorti sur Out Now Recordings à l'automne dernier en CD. On y retrouve aussi le batteur Chess Smith, un joueur de birimbao. L'album est assez incroyable, donc il part vraiment dans beaucoup de directions, beaucoup de jazz très très nerveux, et aussi bon, il y a même des côtés un peu hardcore sur un titre. C'est assez varié, donc un musicien à suivre de très très près, ce Alex Weiss et son disque Fighter Planes and Praying Mantis. Et on a entendu juste après un disque sorti par le collectif Quax, et il s'agissait du projet 21 qui est la rencontre entre Philippe Gordani, Philippe Gordani, qui est le leader du E-Overdrive Trio. Il est rejoint par un autre guitariste et pas des moindres, Julien Després, et le batteur de ce projet c'est Emmanuel Scarpa. Donc album éponyme 21 sorti à la rentrée dernière sur Quax Records, et je proposais ceci à l'occasion de la venue de monsieur Julien Després, donc du collectif, du grand collectif parisien Quax, au festival Nantais Câble qui aura lieu entre les 21 et 23 février prochain, donc à Nantes, avec des concerts au bateau Lavoir, à la médiathèque de Saint-Herblain, aux ateliers de Beach, au Blocos DY10. Julien Després jouera le dimanche à peu près à l'heure de la messe, vers 11h je crois, quelque chose comme ça. Il jouera sans doute il se produira en solo, peut-être dans le même registre que le disque qu'il vient de faire paraître sous le nom de Acapulco sur Quax Records. En tout cas, vous pouvez retrouver la programmation du festival de monsieur Will Guthrie et ses amis sur le site cablenantes.org. Voilà, on va continuer avec une séquence de musique électronique et tout d'abord plutôt ambiante. Il s'agit d'un side project de Richard Chartier, troisième album en date pour son projet Pink Court Siphon sous le titre Ravishment of Mirror. C'est sorti sur Dragon's Eye Recordings en CD en début de ce mois de février. Richard Chartier, qui est un sound designer, comme on dit, américain, qui a une carrière longue comme mon bras, donc je ne vais pas m'étendre davantage. Je proposais le titre Falling Star par son projet donc Pink Court Siphon dans l'asile obscure. On a écouté la musique de Pink, Kurt Siphon, le projet de l'américain Richard Chartier, le boss du label Line. Tout d'abord avec un bout de Ravishment of My Roar, tout juste paru sur Dragon's Eye Recordings. Un troisième disque donc pour ce Sound Project qui tend plutôt vers l'ambiance un peu post-industriel pour l'américain, et c'était enchaîné avec un disque sorti par Yo Sound qui consiste en reprise en fait, remix de la musique de ce projet de Richard Chartier, sur lequel on peut retrouver des gens fort intéressants tels que Frank Bretschneider, Yves de May, Kid Congo Powers, ou ce qu'on a pu écouter à l'instant, qui sont les Norvégiens de Pjusk. Pjusk que je découvre avec donc ce remix de Pink, Kurt Siphon, mais qui ont déjà sorti pas mal de choses, notamment des albums longs sur le label 12K. Voilà, on va continuer avec tout autre chose. Il s'agit du retour du Fire Orchestra, le grand orchestre conduit par Mats Gustafsson. Mats Gustafsson en compagnie de ses camarades Johan Bersling et Andreas Werlin. Tous les trois, donc, ils ont une formation en grand orchestre. On avait eu la chance de les voir en concert au festival des Rendez-vous de l'Erdre. C'était à l'été d'il y a 2 ans. Et le disque vient tout juste de paraître sur le label Rune Gramophone en 33 tours, donc deuxième publication pour le Fire Orchestra. La première mouture s'intitulait Exit, était sortie en 2013, c'était une très très grande formation. Pour la deuxième, l'ensemble est un peu plus ramassé, mais il y a quand même 12-15 musiciens et 2 chanteuses, notamment également Oren Ambarchi qui structurait l'électronique pour ce concert de début du mois de septembre donc 2012. On écoute la musique du Fire Orchestra, alors 2 longues pièces sur cette version vinylique sortie par les bons soins de Rune Gramophone, et je vous propose d'écouter la première de ce second exit du Fire Orchestra. Une conduction du saxophoniste Mats Gustafsson et son Fire Orchestra qui se prenait pour l'orchestre de Karl Abley de l'époque d'Escalator Over the Hill, en tout cas une restitution donc du concert qu'ils avaient donné il y a de ça 2 ans et demi à peu près pour dans le cadre des rendez-vous de l'Erdre à Nantes, donc pour cet orchestre norvégien, mais pas que, puisqu'on y retrouve aussi, on y retrouvait également l'Australien Oren Ambarchi pour cette occasion. Voilà, on va continuer avec un autre grand orchestre un peu du même genre. Là encore, il s'agit de musiciens nordistes principalement, 10 musiciens pour un orchestre assez atypique puisqu'il est constitué de pas moins de 4 batteurs, 3 basses électriques, 3 guitares. On y retrouve notamment Raymond Strid qui faisait d'ailleurs partie des premières moutures du Fire Orchestra, du disque qui était sorti sur une gramophone il y a de ça 2 ans. On y retrouve également le guitariste David Stakenas et quelques autres donc membres éminents du jazz norvégien. Le projet s'intitule The Hag, The Hag A2G. C'est un disque sorti sur le label Found You Recordings au mois de décembre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une musique sacrément barrée, une musique un peu au croisement entre le grand orchestre free jazz d'Ornette Coleman, les groupes de Glenn Branca et un certain rock atonal façon Captain Beefheart. Je propose d'écouter un extrait d'une très longue pièce qui occupe la face A de ce disque éponyme du projet The Hag, le titre qui s'intitule A Version of an Event. We'll be right back. La musique du grand orchestre norvégien et nordique The Hag, avec un extrait donc de cet album éponyme publié par les bons soins du label Found You Recordings. Une musique assez incroyable, très très atonale. On pensait au Trautmask réplica du Captain Beefheart. En tout cas, une expérience sensitive et sensorielle assez étonnante. On passe vraiment dans une quatrième dimension avec cette formation qui multiplie en fait les instruments, 4 batteurs, 3 basses, 3 guitares électriques, donc tout est démultiplié et joué un peu de manière proche des théories d'harmonie de monsieur Ornette Coleman du début des années 60. Un disque évidemment très très très recommandable, ce LP avec la pochette assez incroyable d'ailleurs de The Hag. Voilà, je voulais vous signaler deux soirées concerts prochainement qui risquent d'être plutôt pas mal. C'est dans 2 semaines plus exactement, donc lundi 24, donc au Mondo Bizarro, une soirée avec 2 formations de math rock, rock noise hexagonal, Shub et Ruby Redgun. Il y aura aussi les Américains de Sting. Et samedi, cette fois-ci de cette semaine, le 15 février, au bar Le Terminus, une soirée où vous pourrez retrouver le musicien post-industriel Sudden Infant en compagnie de Unas et LPB. Voilà, on va se quitter avec une séquence nettement plus douce cette fois-ci, et la musique d'un projet italien qui répond au nom de Luminance Ratio. Ils ont sorti ce disque un peu avant l'été 2013. C'est sorti sur le label Bossian Records, un combo qui mélange guitare électronique et instruments acoustiques, qui avait sorti donc il y a de ça quelques mois son second album après un premier opus qui était sorti en 2009, et également des 45 tours split aux côtés de Steven Roden et Doren Ambarchi. Donc Luminance Ratio, qui est le projet du sound artist Gian Maria Aprile, et qui est assez proche aussi du projet qu'on avait pu entendre dans l'Asile le plus sûr il y a de ça quelques semaines, le projet Air Chamber 3, qui a sorti lui un disque sur Fratonove. Voilà, il me reste à vous rappeler que l'intégralité des playlists et des émissions de l'Asile le plus sûr sont disponibles, podcastables et réécoutables sur le blog asile.blogspot.fr, avec un Z pour asile. Donc les émissions sont en ligne, et ce depuis la rentrée dernière, donc n'hésitez pas à y piocher et également à envoyer des commentaires. Voilà, on écoute donc la musique de Luminance Ratio avec ce titre Sunbeam, extrait de ce disque sorti sur Bossian Records Rêverie. Il me reste à conclure en vous souhaitant une excellente nuit et en vous souhaitant une très bonne semaine. À bientôt.